Bonjour à toutes et à tous, il est midi, vous êtes sur Radio Campus, vous écoutez Anglais d'Attaque. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons sur les ondes de Radio Campus pour une nouvelle saison avec notre émission Anglais d'Attaque, l'émission mensuelle de l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. C'est tous les troisième samedi du mois, de 12h à 13h sur 106,6 MHz, bien sûr. Deux nouvelles voix ont rejoint le 5 de départ, Benjamin, le Benjamin de l'équipe, et Florent, coopté par Antoine, pour le remplacer au calendrier militant. Salut les copains. Bonjour. Voilà. sont toujours présents, il me plaît de le dire, Xavier, Germain, René et Christian, pour vous parler de l'actualité de notre association, interviewer nos invités, vous dire nos lectures et vous donner une série de rendez-vous militants pour le mois à venir. Tout cela avec une nouvelle grille. Allez, on va dire qu'elle est moins austère que la précédente, Germain. Merci de l'avoir fait concocter pour nous. Alors on va passer maintenant aux choses sérieuses. À Attaque et dans notre émission, ce n'est pas nouveau, nous invitons des personnes dont nous savons qu'elles peuvent nourrir notre réflexion et la vôtre du même coup, chers auditeurs et auditrices, et nous faire nous interroger sur les questions ou des raisonnements auxquels nous ne sommes pas coutumiers. C'est particulièrement le cas aujourd'hui avec un économiste de l'Université de Lille 1, que vous connaissez déjà si vous suivez nos émissions et l'actualité, Laurent Cordonnier, invité déjà et à ce micro il y a 2 ans. Bonjour Laurent. Bonjour. Il fait plaisir d'être avec Garance, ses filles, qui nous visitent, et c'est bien sympathique. De quoi est-il question aujourd'hui avec Laurent Cordonnier? Nous avons annoncé comme titre à l'émission « Le profit contre l'investissement, le coût prohibitif du capital ». Ce titre, réflexion faite, est incomplet, on va voir pourquoi. En fait, il va être question de coût du capital et de son surcoût. C'est pas très rock'n'roll comme question, faut le connaître, mais encore, au moins c'est une question originale par les temps qui courent et vous allez pouvoir vous en rendre compte. En fait, elle tombe à pic, cette question, référence à un ouvrage récent de Laurent. Cette question parce qu'en préparant l'émission, je suis tombé sur une phrase « Le coût du capital passé sous silence ». C'était dans un court texte d'attaque de la Fondation Copernic, au titre contre-courant et toujours d'actualité, évidemment, « En finir avec la compétitivité ». C'était il y a 1 an. C'est ce silence que brise une étude parue au début de cette année, à laquelle tu as contribué, Laurent, avec 4 autres économistes de 3 universités différentes. Le titre de cette étude, ça aussi c'est pas très rock'n'roll, « Le capital et son surcoût ». 2 articles seulement, à ma connaissance, se réfèrent à cette étude. On aurait pu penser que le thème du capital aurait pu intéresser, je ne sais pas moi, l'Express, Challenge, l'Expansion, ce n'est pas le cas. En tout cas, c'est rien en vue dans les moteurs de recherche. Donc, 2 articles seulement, on recommande leur lecture, d'autant qu'ils se complètent assez bien. L'un des 2 articles est à lire dans Alternative économique, de juin, et l'autre dans Le Monde diplomatique, de juillet. Son auteur n'est autre que Laurent Cordonnier. Il y a eu aussi un article dans L'Humanité dimanche. Ah ben voilà, d'accord, très bien, ça ne m'étonne pas. Les cocos s'intéressent toujours aux pognons des autres. Bon, je laisse un temps quand même à l'auditeur et à l'auditrice pour qu'elle mesure la chance qu'il ou elle a d'avoir en direct d'un des co-auteurs de l'étude et l'auteur de l'article du Monde diplomatique, et c'est sur Radio Campus. Voilà. Dans quelques minutes, vous en saurez beaucoup plus. Allez, un chouïa de musique sélectionnée avec soin par Germain et les actualités d'attaque avec René Lascience. Eh bien voilà, on va passer aux actualités d'attaque. C'est René qui s'y colle, comme d'hab. Oui, d'accord. Donc déjà, au plan national, pour la rentrée, Attaque a défini 4 axes pour ses campagnes. La défense des retraites, la lutte contre la toute-puissance de la finance, la lutte contre le libre-échange et le pacte transatlantique. Dans lequel on fera une émission d'ailleurs. Oui. Et la promotion de la transition écologique et énergétique, pour laquelle nous avons aussi prévu des émissions à l'avenir. À signaler que désormais notre émission Angle d'attaque est répertoriée par le National dans la liste des émissions radio. Il y en a quelques-unes en effet. Voilà. Alors au plan local, alors là nous pouvons dire que nous sommes bien en phase avec les orientations d'attaque nationale puisque déjà nous avons participé au rassemblement de la coordination nationale des collectifs contre l'exploitation des gaz et huiles de schiste et de houille, excusez la longueur du texte, à l'initiative du collectif Ouyouyouy, non au gaz de couche que j'ai déjà évoqué, et qui s'est tenu à Lille du 6 au 8 septembre, notamment avec une réunion débat organisée à la maison de quartier de Vauban et Kerme le vendredi 6 septembre, où intervenaient Maxime Combe d'Attaque France et Jean Gadré, président d'Attaque Villeneuve-d'Ascq. La réunion, très intéressante, a rassemblé 70 à 80 participants. Intervention également de Jean Gadré le vendredi 13 septembre à la Rose des Vents pour la soirée débat consacrée à Salvatore Allende. Participation de plusieurs membres des comités locaux attaque de la métropole à la manifestation du 10 septembre pour la défense des retraites qui a rassemblé environ 3000 personnes. Et avec nos drapeaux. Et avec nos drapeaux. Et le collectif contre l'austérité de Roubaix, auquel participe activement le comité local de Roubaix-Tourcoing, organise une réunion publique sur la question des retraites le vendredi 4 octobre à 18h30 au théâtre Pierre de Roubaix, boulevard de Belfort, à Roubaix bien sûr, avec intervention de Bernard Friot. Dans le cadre de la campagne « Non à la disparition des associations », du 14 au 22 septembre, à l'initiative du collectif des associations citoyennes, s'est tenue à l'AMRES, le vendredi 20, une réunion débat intitulée « Associations et pouvoirs publics, indifférence, délégation, coopération », à laquelle les attaques locaux ont participé, représentées par Jean... Par Jean, qui est venu... Alors, c'est pas Gadré, pour une fois, oui, en effet, oui. Et en collaboration avec les Amis du Monde Diplomatique, une soirée débat concernant l'accord de libre-échange transatlantique, on y vient, sera organisée à l'AMRES le mercredi 16 octobre à 20h30, là encore, avec intervention de Jean Gadré. Enfin, une information concernant les adhérents d'attaque. Les comités locaux de la métropole seront les organisateurs des prochaines conférences nationales des comités locaux, prévues en novembre 2013 et en février et juin 2014. Bon, ça, c'était un spécial militant, effectivement. Alors, le collectif O, René. Alors, le collectif O a tenu sa réunion de rentrée le mercredi 11 septembre à l'AMRES. À noter la présence de deux représentants de NORÉAD, Régie publique départementale, qui nous ont exposé le fonctionnement et les activités de leur établissement. Cette réunion fut l'occasion de faire un bilan de l'action du collectif. Le point positif, avoir incité LMCU à reprendre le contrôle des unités de production. Toutefois, la restitution des unités de production par les eaux du Nord-Suez, en échange de l'apurement d'une partie de la dette, qui est, je vous le rappelle, de 115 millions d'euros minimum, ne nous satisfait pas, considérant que l'usager a déjà largement financé ses unités au travers de ses factures. D'autre part, cette tractation entre LMCU et les eaux du Nord-Suez n'aura-t-elle pas un impact sur le choix du mode de distribution de l'eau, qui a été repoussé, je vous le rappelle, à la fin 2014? D'autre part, concernant le mode de distribution, je vous rappelle, LMCU a lancé simultanément deux études comparatives, l'une par rapport à la délégation et l'autre par rapport à la régie publique. Je suppose que le choix des cabinets va être déterminant en l'occurrence. Ah, oui. Donc, en conséquence, les objectifs du collectif seront dans les prochains mois d'agir pour la transparence, des études menées, bien sûr, et des délibérations et décisions des conseillers communautaires. De démontrer et de populariser les atouts de la régie publique et de faire connaître et de populariser la notion de bien commun. Et c'est déjà parti le vendredi 13 septembre. Voilà, avec la distribution du dernier tract et collecte de signatures au cours du marché nocturne organisé Place de la République à Ronchin par le comité de quartier. Et le 17 octobre, de 19h à 21h30, dans le cadre de l'initiative Cité Ciné Sociale, est prévue à la salle Olympia de l'Homme la projection de Suzuz Yaz, Un été sans eau, je traduis, film turc de Metin Erkan, qui date de 1964, et qui sera suivi d'un débat avec intervention de Pierre-Yves Pira, porte-parole du collectif. Ok, merci René. On fait une pause musicale avant d'entendre... Non, c'est pas ça. Alors vas-y, on fait quoi ? On enchaîne avec quoi ? Avec l'interview de l'invité. L'interview de l'invité. Eh bien, c'est Benjamin qui s'y colle. Donc, avec nous, Laurent Cordonnier, maître de conférence en économie à l'Université Lille. Nous évoquerons le rapport demandé par la CGT au CLARSE, donc laboratoire d'économie à l'Université Lille, dans le cadre des activités de l'IRS, sur le coût et le surcoût du capital. Une étude évidemment exigeante, mais qui apporte un éclairage nouveau sur l'un des deux facteurs de production. Le capital, nous l'avons déjà dit. L'autre facteur de production, on sait qu'il est déjà, trop cher, qu'il pèse sur la compétitivité de notre pays et de tous les autres pays. Il est de tous les discours des dirigeants publics et privés qui n'ont de cesse de se plaindre de son coût qu'ils jugent trop élevé. Je vais parler du facteur travail. Mais qu'en est-il du coût du capital que le MEDEF et les gouvernements successifs évitent soigneusement d'évoquer ? C'est ce que nous allons voir. Mais pour commencer, Laurent Cordonnier, pouvez-vous nous expliquer les conséquences des politiques de baisse du coût du travail, notamment au sein de la zone euro ? Oui, alors je cite aussi les autres contributeurs de l'étude, parce que en particulier sur cette partie-là... C'est Vincent Duviquet qui a beaucoup travaillé, mais donc les auteurs étaient Vincent Duviquet, Thomas Dallery, Jordan Melmiès et Franck Van Velde. Alors, les politiques de compétitivité en Europe, on pourrait dire qu'il n'y a plus que, à l'heure actuelle, que deux stratégies économiques en Europe, et on parlait de stratégie, c'est déjà peut-être employé un grand mot, les politiques d'austérité pour rééquilibrer les comptes publics, et à l'adresse des différents territoires et des entreprises, l'injonction de gagner en compétitivité, essentiellement compétitivité coût, pour remporter la guerre économique. Et alors, on ne va pas traiter du premier volet, j'imagine que vous avez déjà eu l'occasion d'en parler, mais s'agissant de la compétitivité et de la baisse du coût du travail, on arrive à une situation qui est complètement absurde en Europe, puisque le discours officiel, si j'ose dire, est le suivant. Eh bien, pour que les États arrivent à rééquilibrer leurs comptes, et pour que la prospérité économique revienne en Europe, il faut que chaque pays et les entreprises de l'ensemble des pays fassent des efforts considérables de compétitivité qui, pour une part, c'est peut-être pas la part essentielle, mais c'est celle qu'on laisse s'instaurer et se répandre, pour une part, passe par la baisse du coût du travail. Et donc, dans tous les pays d'Europe, nous avons une tendance à se faire la guerre ou à se faire concurrence par une extrême modération salariale quand ce n'est pas tout simplement par une déflation salariale. Bon. Alors, une déflation salariale, on peut expliquer, c'est... Ah ben là, c'est carrément la baisse des salaires. C'est aussi simple. En Espagne aujourd'hui, en Grèce, etc. Alors, comme en Espagne et en Grèce, donc évidemment, à ces pays-là, on leur a dit, si vous voulez rééquilibrer votre balance commerciale, si vous voulez retrouver de la croissance... Eh bien, il va falloir que vos salaires baissent. Mais ce qui est plus dramatique encore, c'est déjà dramatique pour l'Espagne et la Grèce, mais ils ne sont pas au cœur, on pourrait dire, du moteur de la croissance en Europe. C'est vrai aussi pour l'Allemagne. L'Allemagne, depuis une dizaine d'années, même presque 12 ans maintenant, mène une politique très agressive de baisse des salaires. Et donc impose à l'Europe, d'une certaine manière, un modèle qui est, on pourrait dire, de pays néo-émergents, il faudrait peut-être qualifier l'Allemagne comme ça, puisqu'elle récupère la stratégie économique de ces pays-là pour essayer de tirer sa croissance par sa compétitivité extérieure et donc d'une certaine manière manger ou grignoter de la demande en provenance des autres pays. Donc si on comprend bien, la croissance économique de l'Allemagne se ferait au détriment notamment du déficit commercial de la Grèce ou des autres pays du Sud. Il n'y a pas de secret. Je vais dire que, sans exagérer, pour 50% c'est vrai. C'est-à-dire que l'Allemagne, alors non seulement grignote de la demande à l'intérieur des pays européens, mais aussi à l'extérieur. Je vais donner un seul chiffre qui est quand même extrêmement parlant. Il y a une dizaine d'années, la demande globale de l'Allemagne, c'est-à-dire sa demande issue des salaires, donc la demande de consommation des Allemands, la demande d'investissement des Allemands, la demande de dépenses publiques, représentait 36% de la demande interne de l'Europe. Après ces politiques de rigueur salariale, c'est plus que 25%. Donc ces politiques de déflation salariale ont deux effets. Non seulement l'effet compétitif dont on parle habituellement, c'est si les salaires sont plus bas de l'autre côté du Rhin, la demande des ménages français va avoir tendance à s'adresser à ces entreprises et évidemment menacer l'emploi en interne. C'est un premier effet compétitif, mais c'est un deuxième effet dont on ne parle pas, c'est justement l'effet de formation de la demande. C'est-à-dire que quand les salaires sont bloqués en Allemagne, l'Allemagne n'adresse plus de demande ou n'adresse plus d'augmentation de la demande aux autres pays. Et c'est là l'effet principal sur les soldes des commerces extérieurs et des déséquilibres en Europe. Donc véritablement, c'est un double poison, cette compétitivité par la baisse des salaires. Et on sait très bien que globalement, ça ne peut rien apporter. C'est un jeu gagnant-perdant. C'est-à-dire que ceux qui gagnent à ce jeu-là le font forcément au détriment des autres. Donc ce sont des stratégies anticompétitives et qui, d'une certaine manière, signent le fait qu'il n'y a pas de politique économique coopérative et commune en Europe. Oui, ça aide les adversaires de l'Europe, en l'occurrence, ce genre d'argument. Ça aide les adversaires de l'Europe, mais sans aucun doute. En tous les cas, de l'Europe économique. Oui. Bon, et si on voulait être honnête, il n'y a pas d'Europe économique. Il y a un grand marché unique et il y a maintenant une grande foire sur le marché du travail qui tire les salaires vers le bas. Mais ça, ce n'est pas une Europe économique. En effet. Et alors que paradoxalement, on voit que le coût du capital n'a jamais été aussi élevé, peu ou prou, dans les dernières années 2000. Pouvez-vous nous évoquer justement ce coût du capital et son surcoût principalement ? Alors là, on rentre dans le hard du sujet. Bon. Si on veut parler de ces questions, je crois qu'il faut tout de suite éclairer les auditeurs sur ce que c'est que le coût du capital. Et c'est une notion très embarrassante parce qu'elle a deux sens qui sont complètement différents. Alors, qu'est-ce que c'est que le capital ? Première manière de dire ce que c'est que le capital, ou on pourrait dire première notion ou acception du capital, ce mot est employé pour désigner les moyens de production des entreprises, c'est-à-dire les machines, les usines, les infrastructures, les parcs de transport des entreprises, leurs brevets, leurs logiciels. C'est tout ce que les entreprises immobilisent comme matériel de production, alors matériel ou immatériel, pour coupler ce matériel au travail, et généralement aussi à la terre, parce qu'on utilise le foncier, on utilise les ressources naturelles, pour produire. Donc dans ce sens-là, le capital, c'est l'ensemble des propriétés de l'entreprise, moyens de production qui sont absolument nécessaires pour sortir quelque chose du pipeline de la production. Mais il y a un deuxième sens de capital qui est utilisé généralement sans véritablement préciser qu'il a un tout autre sens que l'autre, c'est le capital au sens financier. C'est-à-dire que les entreprises, pour devenir propriétaires de ces biens de production dont on parlait, ont dû recevoir de l'argent de deux sources. Soit leurs actionnaires, les actionnaires qui ont mis de l'argent dans l'affaire lors de sa création, mais qui ont pu aussi en rajouter au moment de souscription de nouvelles actions, et surtout qui ont laissé en réserve d'année en année des profits dans l'entreprise. Donc la firme alimente ses dépenses en achat de matériel, d'infrastructures, de brevets, par l'argent des actionnaires, entre guillemets. Cet argent, encore une fois, lors de la création, lors des souscriptions d'actions ou lors des mises en réserve des profits de l'année précédente. Et puis il y a une deuxième source qui est l'emprunt ou les prêteurs. Les entreprises, de différentes manières, soit par du crédit bancaire, soit par des prêts de particuliers ou d'autres institutions, s'endettent pour financer l'achat de ces biens. Eh bien, ces prêts ou ces dotations en capital ou en action s'appellent aussi du capital. Mais capital dans le sens financier cette fois, et qui est absolument nécessaire pour faire ces dépenses, mais qui, en contrepartie, réclame le paiement soit d'un intérêt, dans le cas des prêts ou des crédits, soit d'un dividende dans le cas des actions. Donc, si on résume, l'emploi de moyens de production, de machines, d'ordinateurs, de parc automobile, réclame deux coûts pour l'entreprise, deux coûts différents. On pourrait dire le coût d'achat et de production de ces biens, parce que comme n'importe quel autre type de bien, il faut les fabriquer, et c'est un réel coût économique, un coût de production. Et puis à ce coût de production vient s'ajouter une surcharge qui est de rémunérer les prêteurs ou les actionnaires qui ont fourni l'argent nécessaire à ces achats. Donc on pourrait dire l'entreprise supporte deux types bien différents de coût du capital. Son coût économique est là complètement indispensable. Dans n'importe quelle société, même si elle n'était pas capitaliste, il faudrait engager des dépenses, de l'énergie, du travail pour produire ces machines. Donc c'est le coût économique. Hein. C'est le coût économique, d'accord. Absolument inévitable. Alors ce qu'il y a, c'est que dans une société capitaliste, ce coût n'est pas vraiment un coût pour les entreprises, puisque c'est elle qui s'approprie ses moyens de production. Donc c'est aussi ce qui constitue leur enrichissement. Hein. Mais en tous les cas, il faudrait toujours consacrer une partie de notre temps de travail à produire nos machines, nos usines, nos brevets. Par contre, l'autre partie du coût, et c'est à ça qu'on s'est consacré dans cette étude, l'autre partie du coût, on peut remettre en question sa pertinence sur le plan économique. C'est-à-dire dans les intérêts qui sont versés aux prêteurs et dans les dividendes qui sont versés aux actionnaires, c'est-à-dire le partage des profits, est-ce que tout ce montant est justifiable pour de bonnes raisons économiques ? Et la réponse qu'on a essayé de produire, le but du travail, c'est d'essayer de faire le tri, justement, entre ce qui peut apparaître justifiable d'un point de vue économique et ce qui ne l'est pas. Ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire ce qui constitue une pure rente et qui résulte d'un rapport de force entre la finance et l'entreprise, la finance étant en mesure de s'accaparer cette part illégitime. Donc, en quelques mots, le surcoût du capital, ce serait la rente qui serait donc fournie. Exactement. Ce qu'on appelle le surcoût du capital, c'est la partie de la rente financière qu'on ne peut pas justifier par de bonnes raisons économiques. Et ces deux bonnes raisons économiques, elles sont assez simples à dégager. C'est que ceux qui ont fourni de l'argent à l'entreprise pour s'acheter son capital productif encourent un risque de perte. C'est que l'entreprise peut se tromper dans ses paris économiques et faire faillite. Et donc, de ce point de vue-là, il est normal peut-être, dans une conception, presque un peu social-démocrate de l'économie, il est normal que les prêteurs ou les épargnants réclament une couverture de ce risque de défaut. Bon. Donc c'est une composante, qu'on pourrait dire, légitime de la rente. Et puis il y a une deuxième composante, c'est que la finance, c'est-à-dire aiguiller correctement l'épargne des particuliers vers les entreprises qui ont besoin de financement, examiner la pertinence des projets économiques de ces entreprises, ceci réclame un coût, qui est un coût d'administration. Bon, voilà. Et donc, on peut considérer que, pour de bonnes raisons, il puisse exister des intérêts et des dividendes. Bon. Mais le problème intéressant, c'est de savoir dans quelle mesure et jusqu'où. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans cette étude, séparer le vrai coût du faux coût, si j'ose dire. Et donc, après lecture du rapport, on voit que le surcoût du capital serait de 100 milliards d'euros environ en 2007-2008. Alors, l'objet même, la finalité même de l'étude, c'était d'arriver à une mesure qui soit communicable et qui est, dans la mesure du possible, qui n'ait pas été faite de manière trop grossière. Bon. Et je pense que nous y sommes parvenus. On peut dire qu'aujourd'hui, effectivement, cette partie de la rente financière dans un pays comme la France, aujourd'hui, c'est 2011, je crois, les derniers chiffres qu'on a donnés, équivaut à peu près à 100 milliards d'euros par an. Et il faut donner un élément de comparaison, c'est que ces 100 milliards d'euros de rente, une fois déduite le risque entrepreneurial, le risque de défaut, et une fois déduite les coûts d'administration bancaire, donc ces 100 milliards, comparé au vrai coût du capital, c'est-à-dire le coût de production des machines, des usines, des brevets, celui dont on ne pourrait pas se dispenser, ben ça fait à peu près 50% si on fait... ça fait à peu près 50% si on fait ce ratio entre l'un et l'autre. Il y aurait une autre manière de mesurer le surcoût du capital, mais grosso modo, on peut retenir, sans exagérer, suivant les différentes mesures qu'on fait, que donc s'ajoute au vrai coût de production du capital une tranche de 50 à 70% de surcoût dont on pourrait se dispenser si la finance était mieux organisée, c'est-à-dire si elle n'était pas laissée dans la main des marchés financiers et de leurs propres frayeurs. Parce que comme on verra peut-être tout à l'heure, d'où vient leur rapport de force? En fait, leur rapport de force aux financiers et aux prêteurs vient de leur propre peur et de leur propre panique, ce qui est quand même pour le moins hallucinant dans un univers où on nous dit que c'est la rationalité économique qui gouverne. Oui, la rationalité économique suprême, irrationalité de système rationnel, disait Marcuse, je crois. On s'arrête pour une minute pour faire une pause musicale. Ce matin, je l'ai vu partir, oh mon amour. Mon amour. Suivre l'exode des martyrs pour toujours. Pour toujours. Embarquer sur un bateau blanc, ah, plein de vedettes et de talents, ah, de footballeurs en mini-short, un boat people en quelque sorte. J'ai tant pris, reviens-moi au peuple de l'argent. J'ai tant besoin de toi, de tes bons sentiments. Comment vivre sans toi au peuple de l'argent? Que ferais-je entouré de tous ces pauvres gens et de mon temps? Y'a Jalais qui joue au foot sur la plage. La plage. À l'open bar, à l'idée doute, courage. Courage. Oh, il n'y a plus de Kinder Bueno. Ça c'est encore un coup à jour. Les malheureux payés en brut ne peuvent plus se payer de Kinder Bueno. Je t'en prie, reviens-moi au peuple de l'argent. J'ai tant besoin de toi, de tes bons sentiments. Comment vivre sans toi au peuple de l'argent? Que ferais-je entouré de tous ces pauvres gens et de mon temps libre? Eh oui. Ce soir, les banquiers donnent-tu une messe? Une messe. Par solidarité envers la Grèce. La Grèce. Car plus les gens sont solidaires, plus les banquiers sont milliardaires. Mon Dieu, que la vie est magique lorsqu'on vit de la dette publique. Je t'en prie, reviens-moi au peuple de l'argent. J'ai tant besoin de toi, moi mon sentiment. Où étais-tu passé au peuple de l'argent? J'étais allé aux îles Caïmans. Je veux te rassurer au peuple de l'argent. Je ne ferai jamais les 75% pour te dédommager au peuple de l'argent. J'ai emprunté hier au peuple de l'argent. Un bon paquet de monnaie au peuple de l'argent. Les taux d'intérêt au peuple de l'argent. Qui vont te satisfaire? Peuple de l'argent, ça va te satisfaire au peuple de l'argent, ça va te satisfaire au peuple de l'argent, tu as encore gagné au peuple de l'argent, et c'est déjà la fin. Alors, comme ils l'ont chanté à la fin, c'était le peuple de l'argent par le groupe La Chanson du Dimanche. Eh bien, on va continuer cet entretien avec Laurent Cordonnier et surtout sur la fin de la première partie sur ce système irrationnel. Qu'est-ce qui est irrationnel et pourquoi ils ont peur? Alors, ce qui est important à comprendre, enfin, ou même c'est une question de curiosité assez simple, c'est finalement, mais comment se fait-il que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, une catégorie d'agents les marchés financiers, les SICAV, les fonds communs de placement, les compagnies d'assurance, les épargnants en général. Comment se fait-il qu'ils sont dans une position de pouvoir, de rapport de force économique, qui leur permet de faire, on va dire, les choses de manière peut-être un peu vulgaire, mais de faire cracher à l'entreprise une rente financière dont une partie assez conséquente ne se justifie pas. Comment ça se fait qu'ils ont ce pouvoir-là ? Eh bien, ils ont ce pouvoir-là essentiellement parce que les titres en question, les titres de créance, ou donc les titres de créance ou de prêt, les actions, s'échangent sur des marchés d'occasion pour assurer ce qu'on appelle leur liquidité, c'est-à-dire que une fois que vous avez mis de l'argent dans une entreprise, grâce à ces marchés d'occasion, vous pouvez retrouver votre argent en vendant le titre à quelqu'un d'autre. Donc ces marchés qui sont faits pour assurer la liquidité, comme on dit, des prêteurs ou des placeurs ou des épargnants, ce sont des marchés extrêmement volatiles où règne d'une certaine manière la panique ou l'engouement des foules, qui se saisissent de n'importe quel type d'information pour faire des paris sur les profits futurs des entreprises, à la hausse comme à la baisse. Et sur ce marché, le cours des titres que vous possédez, enfin vous, c'est peut-être pas vous, mais les fonds de pension, les SICAV, comme on disait, les compagnies d'assurance, ces titres fluctuent énormément. Bon. Et en réalité, ces acteurs ont de l'aversion pour ce risque de fluctuation, parce que ça crée une incertitude grandiose sur le prix auquel vous pourrez revendre ces titres au moment où vous en aurez besoin. Bon. Eh bien, cette rente qu'ils réclament à l'entreprise et que leurs institutions sont en mesure de réclamer grâce à ce fonctionnement et ce dispositif de marché, c'est la couverture de ce risque de fluctuation du titre. C'est-à-dire, c'est le prix de l'assurance contre leur propre aversion au risque qu'ils réclament aux entreprises. Et cette peur, elle est organisée, puisque ce sont les marchés eux-mêmes des titres qui créent cette instabilité et cette insécurité. Donc, leur rapport de force provient finalement, contrairement à ce que disent les discours patronaux, etc., provient justement du fait qu'ils n'aiment pas le risque. L'actionnaire n'aime pas le risque. Le prêteur n'aime pas le risque. Et c'est parce qu'il n'aime pas le risque qu'il est réticent à prêter ou à placer son argent, et l'entreprise doit leur payer le prix de cette réticence si elle veut avoir leur argent. Et ça, c'est une histoire de fou. Si on, et on a, nous avons organisé depuis... Enfin, nous, c'était pas moi, mais nous avons organisé depuis une trentaine d'années nos économies de cette manière, de manière à remettre en selle le pouvoir des marchés financiers sur l'entreprise. Et je le répète, le résultat, ce n'est pas une manière polémique de l'énoncer, c'est vraiment la frayeur et l'aversion au risque des épargnants et des actionnaires qui créent ce rapport de force à l'entreprise. Alors pourquoi les entreprises ne passent pas par le crédit bancaire et vont sur les marchés financiers pour se financer justement ? Alors, c'est une excellente question. Il ne faut pas prétendre que les entreprises ont cessé d'avoir recours au crédit bancaire, mais elles cherchent un mixte de financement, en particulier qui ne met pas trop en péril leur entreprise et leur actionnariat. Et donc, parfois, dans une certaine mesure, elles ont tendance, au contraire, à essayer de privilégier l'endettement, parce que l'endettement coûte moins cher que la rémunération des actionnaires. Et donc, quand une entreprise s'endette, comme on dit, ça peut créer un effet de levier pour les actionnaires. Si sa rentabilité, par exemple, économique est de 10%, et que les prêteurs, avec ce qu'on disait tout à l'heure, sont prêts à s'engager avec un taux d'intérêt de 6%, eh bien, le taux d'intérêt qu'on doit verser aux prêteurs est plus faible que la rentabilité économique de l'entreprise, et la différence va dans les poches des actionnaires. Donc, pour les actionnaires, une entreprise qui s'endette, c'est un effet de levier pour leurs propres revenus. Bon. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu substitution complète des marchés financiers au crédit bancaire, mais les deux se sont mis à fonctionner de pair au service des actionnaires. Donc, on a maintenant des établissements ou des entreprises qui ont pour but de créer de la valeur pour l'actionnaire. Ah ben, les entreprises cotées, on pourrait dire, c'est à peu près 30 à 40% de l'emploi, de la valeur ajoutée en France. Les entreprises cotées n'ont pratiquement plus que ce but-là, c'est-à-dire répondre à ces injonctions de la finance, de créer de la valeur ou de dégager un retour sur fonds propres de 15% par an. Une question de René. Juste une question. Quand les entreprises doivent sont poussées à racheter leurs propres actions, c'est aussi dans ce but-là, pour augmenter la valeur pour l'actionnaire. Oui, oui. Du fait qu'elles doivent s'endetter pour les racheter. Ah ben, c'est clair que tout ce que les entreprises vont dépenser pour racheter leurs propres actions à leurs actionnaires, bon, dont le but, tu l'as dit, est de soutenir le cours de ces actions sur les marchés financiers, mais tout ce qu'elles vont dépenser pour ça n'ira pas à l'investissement. Et si ça devait aller à l'investissement, si malgré tout elles ne négligeaient pas l'investissement, ça les oblige à s'endetter en contrepartie. Hein, c'est comme on dit vulgairement, c'est du cash qui sort de l'entreprise et qui va aux actionnaires. Et donc si on en avait besoin pour autre chose, il faudrait le remplacer par de l'endettement. Mais qu'en est-il des petites et moyennes entreprises, des établissements de taille intermédiaire ? Est-ce que cette norme financière, elle s'impose également à ces petites entreprises ? Alors justement, c'est ce qui nous a surpris. Dans ce rapport, on essaie de répondre aussi à cette question, c'est-à-dire, oui, mais bon, l'histoire que vous racontez, là, c'est pour les grandes entreprises cotées, et ça ne représente pas... C'est le CAC 40. Voilà, c'est le CAC 40. Bon, en réalité, en France, il y a plus de 300 entreprises cotées. Hein, on entend parler que du CAC 40, mais il y a à peu près 300 entreprises importantes cotées en France. Ça représente, comme je l'ai dit tout à l'heure, à peu près 40% de l'activité économique ou de l'emploi. C'est une très bonne question de savoir, et qu'en est-il pour les autres ? Et alors, je ne sais pas si on a le temps de détailler les choses, mais peut-être simplement de les lister un petit peu. Cette norme financière, on s'aperçoit qu'elle s'impose aussi aux entreprises de taille intermédiaire, voire aux PME. Bon, et quand je dis aux PME, ça descend jusqu'à la PME de 10 personnes. Bon, alors par quel canot ? C'est sûr que ce n'est pas par le canal direct de la discipline des marchés, là dont on a parlé tout à l'heure. C'est par d'autres canaux plus insidieux, mais néanmoins efficaces. Alors, un des principaux canaux, c'est que les PME ont toujours un mal fou à se faire financer par les banques, en France. Ça, c'est ce qu'on entend régulièrement, ça. D'ailleurs. Et elles ont raison. C'est-à-dire, c'est pas une plainte, comme on en entend parfois, purement de posture idéologique. Là, on est dans le dur. Donc, elles ont du mal. Les banquiers français ne sont pas des banquiers qui sont des partenaires des entrepreneurs, pour le dire. On a l'impression que je parle comme Madame Parizeau. Mais c'est juste, ça. Ça, c'est juste. Et donc les PME essayent de s'auto-financer, d'être leurs propres banquiers d'une certaine manière. Et pour le faire, elles doivent donc se donner des objectifs de marge sur les coûts et sur les salaires relativement importants, pour ce qui fait qu'elles dégagent une rentabilité affichée du capital élevée, hein, parce que pèse sur elles cette obligation de dégager de la finance interne par l'élévation des marges et l'amélioration de leur rentabilité du capital. Ce qui, au passage, d'ailleurs, n'est pas très bon, parce que plus on exige que la rentabilité du capital soit élevée, on en reparlera peut-être tout à l'heure, plus on limite leurs projets faisables, hein, puisqu'on met la barre très haut. Donc ça, c'est un des canaux. Un autre canal, bon, c'est toutes les PME qui sont adossées finalement à des grands groupes et qui sont perméables à la logique financière et économique de ces grands groupes. Hein, il y a de moins en moins de PME et d'entreprises de taille intermédiaire qui sont indépendantes. Bon. Donc elles suivent la logique du groupe. Il y a un autre canal qui est le canal de la sous-traitance. À travers les rapports de sous-traitance, les grands groupes imposent à leurs PME de souscrire à la même norme financière, même si c'est pour remonter les profits dans la firme donneuse d'ordre. Il y a le canal des ce qu'on appelle les LBO, ou les achats des PME par des fonds d'investissement, qui achètent des pépites ou pas des pépites, hein, mais qui, une fois qu'ils ont racheté une PME de 20, 50, 150 ou 250 personnes, vont aligner sa gestion sur ses exigences financières. Donc voilà, il y a une multiplicité de canaux qui fait que lorsqu'on regarde les statistiques, bizarrement, les PME et les établissements de taille intermédiaire, de mémoire, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais ont une rentabilité économique supérieure aux grandes entreprises. Et ce qui est très insidieux, c'est que cette norme financière, justement, elle change le champ des possibles avec des investissements qui sont tout simplement pas faits, avec un monde qui n'est pas réalisé. Ça, c'est extrêmement important à dire. Parce que quelles sont les conséquences de tout ça ? Alors, on pourrait dire, bon, on peut déjà se scandaliser d'un enrichissement indu, comme disait François Mitterrand, les gens qui gagnent de l'argent en dormant. Bon, et c'est pas rien déjà de se scandaliser de cette question. Parce que, bon, selon des estimations là, que tout le monde admet, hein, pour ne prendre que les dividendes, c'est-à-dire les profits distribués aux actionnaires, ils ont triplé en 20 ans. C'était 3% de la richesse produite par les entreprises en 1980, aujourd'hui c'est 9%. Bon. Donc on peut déjà se scandaliser du fait que cette rente nous fait les poches. Hein, nous, c'est-à-dire grosso, les salariés en général. Mais c'est peut-être pas le pire. C'est peut-être pas le pire. L'effet de l'élévation de cette norme financière imposée aux entreprises, c'est comme dans un concours de saut en hauteur. Hein. Plus vous élevez la barre, moins il y a de sauteurs en hauteur qui vont la passer. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que le bon critère pour procéder à un projet d'investissement et le mettre en œuvre, le bon critère, c'est de respecter cette norme de 15%. Un tout petit peu de bon sens permet de comprendre que quand on impose que la rentabilité de ces investissements soit de 15%, il y en a beaucoup moins qui passent ce seuil que si on avait dit c'est 5%. Et puis, pour me faire comprendre, je vais caricaturer, mais si on dit le seuil c'est 0%, il va encore y avoir plus de projets d'investissement qui permettent de récupérer au moins ce que vous avez dépensé. Et si je descends à 5%, ici on a tous des projets qui peuvent faire perdre de l'argent à une société. Bon, donc on voit bien que la pente des projets qui peuvent être mis en œuvre suit, mais dans le mauvais sens, le niveau des exigences. Donc on pourrait dire que l'effet de l'élévation de cette norme, c'est toutes les activités économiques pertinentes du point de vue de la réponse aux besoins, qui auraient pu aussi être pertinentes du point de vue de la réponse aux besoins sociaux et écologiques, hein, et qui n'auront jamais lieu, qui ne seront jamais mises en œuvre du fait qu'ils ne souscrivent pas à ce seuil. Donc comme je faisais cette formule dans l'article du diplôme en disant ce qui serait bon de connaître, c'est la taille du cimetière des idées, bonnes ou mauvaises, qui n'ont jamais vu le jour à cause de l'élévation de cette norme. Et donc c'est elle qui explique le régime récessif, brutal, que le salariat subit depuis une vingtaine d'années. Bien, on va terminer sur cette question-là. Merci Laurent pour ces éclaircissements. On passe tout de suite donc aux lectures. Eh bien, vous savez qu'on passe toujours à nos lectures dans cette émission. Un livre et un hebdo aujourd'hui comme lecture. Je rappelle que nos lectures ne sont pas forcément des conseils de lecture, mais pour le coup, aujourd'hui, si. Liquidation à la grecque. Ce n'est pas un rapport confidentiel de la Troïka, c'est d'un polar qu'il s'agit. Figurez-vous, mes amis, que lorsque je suis à l'étranger, j'aime bien lire un polar d'un auteur autochtone. En Irlande, j'ai découvert Ken Bruyen, chez nos voisins belges à Bruges, Peter Hasp. Eh bien, en Grèce, j'ai fait la connaissance du commissaire Caritos, sympathique et obstiné, comme tout flic de roman policier. Caritos enquête sur un tueur en série de personnalités de la finance, décapité fort proprement par une main de maître. Ça, c'est déjà jouissif comme idée. Et quand je dis personnalité de la finance, jugez-en, père de la tête successivement, un ancien gouverneur de la Banque centrale, un Britannique correspondant d'une société installée au Liechtenstein, un Hollandais d'une agence de notation et le directeur d'une agence de recouvrement. Et moi dans le monde de la finance, grec, qui fait le siège du ministère, terrorisme ou crime de maniaque, vraie-fausse piste, fausse-vraie piste, quel est le lien entre ces quatre victimes, hormis celui évident du pognon ? Ne comptez pas sur moi pour vous le révéler. Bon allez, je ne suis pas chien, je vous livre une piste. Le mot « D » est inscrit sur chaque victime. Lisez ce bouquin, c'est un polar qu'il s'agit. Mais il y a bien autre chose. Vous allez découvrir la Grèce d'aujourd'hui, meurtrie. La Grèce de ce commerçant ruiné pour avoir emprunté à un banquier, celui de ce vieux dont on apprend lors d'une manif, de celle qui gêne les enquêteurs dans leur déplacement, que la retraite a été amputée plusieurs fois, comme le salaire du commissaire d'ailleurs, la Grèce du chômage, la Grèce dopée à la dette, la Grèce des clandestins aussi, bien sûr. Et à l'opposé, les plaignants, les banquiers, qui craignent pour leurs affaires, je l'ai déjà dit, et le libéral de service qui dit qu'on a bien mérité cette situation, que c'est même moral, finalement. Marc Harris, l'auteur, s'amuse même à mettre dans la bouche d'un de ses personnages, futur décapité, le sinistre credo de la Thatcher sur la société. C'est celui de l'agence de notation. Il déclare dans une interview à la télé « La société ? Quelle société ? L'Europe a découvert la société après la Seconde Guerre mondiale et sous la pression des pays communistes. Cette société s'est effondrée en 1989 et croyez-moi, nous n'avons rien perdu. Il n'y a pas de société, monsieur. Il n'y a que des groupes, des entrepreneurs qui défendent leurs intérêts, des travailleurs qui défendent les leurs à travers leurs syndicats et d'autres organisations. Il n'y a que des groupes qui défendent leurs intérêts, monsieur. La société est une création de l'esprit, que cela nous plaise ou non, les forts donnent l'élan et les faibles suivent. Du libéral pur sucre. » Voilà un polar qui nous éclaire sur la Grèce, sinon au moins autant que les statistiques déjà terribles qu'on nous livre au JT de 20h. Lisez-le, vous serez en pleine actualité, vous pouvez même attendre qu'il soit en format poche, c'est moins cher, et d'ici là, j'ai bien peur que la Grèce n'aura guère changé. Deuxième, donc oui, pardon, liquidation à la grecque, c'est paru au Seuil, et ça coûte 21,50€. Une autre lecture recommandée, c'est celle de Politis de cette semaine, donc parue jeudi, donc toujours achetable en kiosque, avec un dossier économie, l'Europe avec ou sans euro. On aurait bien posé cette question à Laurent aussi d'ailleurs. Politis présente les pour et les contre, les partisans de la monnaie unique et ceux de la monnaie commune. Nous avons fait une allusion ici même en juillet avec les deux articles de Frédéric Lordon pour la monnaie commune. Ceux qui sont pour la sortie de l'euro comme Jacques Sapir, et ceux aussi, nous en avons invité l'an passé, celles et ceux qui se passent de la monnaie officielle et utilisent des monnaies complémentaires. Pas difficile à trouver le numéro de Politis. En couverture, une femme avec une robe à pois. Non, pas celle de Groupama, celle qui s'occupe du logement chez Hollande. Bien, eh bien, c'est à Florent qui va nous parler de Thémosphère. Bonjour Florent, rebonjour. Rebonjour. Oui, donc cette année, je prends le relais d'Antoine pour proposer les rendez-vous militants que je sélectionne donc depuis le site de Démosphère Lille. Donc, qu'est-ce que Démosphère ? Donc, c'est un site qui recense les différents rendez-vous militants de la région. Ça n'existe pas uniquement à Lille. Il existe plusieurs Démosphères un peu partout en France, à Paris, Rennes, Marseille, Rouen, Montpellier, j'en passe, mais aussi dans d'autres pays d'Europe, en Espagne, en Grèce, en Belgique. Et à Lille, le site, il existe depuis mai 2012. Donc le principe est que chaque démosphère est autonome dans sa gestion et tout le monde peut proposer un rendez-vous. Il n'y a même pas besoin d'être inscrit sur le site. Et les gestionnaires du site reçoivent aussi également les mails et les nouveaux événements publiés sur les différents sites web afin de recenser les différents rendez-vous. Donc n'hésitez pas à consulter le site à l'adresse lille.demosphère.eu et proposer vos rendez-vous ou vous inscrire pour recevoir l'agenda par mail. Donc voilà, j'ai fait une petite sélection pour les quatre premières semaines. Donc je commence déjà par une projection d'un film le mardi 24 septembre à 20h. Donc c'est dans la lignée des différents événements qui retracent le coup d'État au Chili il y a 30 ans. Donc le Centre culturel libertaire propose une projection de différents témoignages de Chiliens et de Chiliennes 10 jours après le coup d'État. Cette semaine aussi se déroulait la semaine internationale du revenu de base. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas pu participer à une projection débat, il y a une séance de rattrapage qui a lieu à Roubaix le jeudi 26 septembre à 19h au FAL avec l'Université populaire et citoyenne. Donc c'est l'occasion de débattre sur le sujet d'un revenu pour tous et sans condition et des différentes façons de le mettre en place. Le FAL, c'est rue de Lille à Roubaix, hein, la Fédération des amicales laïques. Oui, tout à fait. Donc, autre débat aussi, le samedi 5 octobre à 15h, à la bouquinerie occupée l'Insoumise, avec la présentation de 3 livres sur le sujet brûlant de la démocratie. Donc, c'est l'occasion de revoir ce qu'on met ou ce qu'on met pas derrière ce terme utilisé à toutes les sauces. Donc, ensuite, il y a différents rendez-vous, il y en a pas mal sur la défense de l'environnement ces prochaines semaines. Déjà, il y a eu une action, qui s'est déroulée il y a pas longtemps sur le projet du chantier de la ferme des 1000 vaches, donc contre ce projet d'une usine animale financée à grand coup de subventions publiques et qui sera désastreuse pour l'environnement et les petites installations paysannes. Et donc une autre action a lieu le 28 septembre à 14h sur le chantier. Et il y a un bus qui partira à Lille devant la Mres à 11h30. Et pour les réservations et avoir les contacts, donc c'est sur le site de Démosphère. L'histoire de la ferme des 1000 vaches, c'est pour attaque, c'est Chantal Daluin qui suit de très près cette opération et qui nous abreuve de l'information sur ce thème. Sur le même thème de l'élevage industriel, et pour continuer sur le sujet des RFID de l'émission précédente, vous pouvez assister le jeudi 3 octobre à 20h15 à l'Univers à la projection débat organisée par les objecteurs de croissance du film Mouton 2.0, la puce à l'oreille, sur l'obligation des éleveurs ovins à pucer électroniquement leurs animaux. Projection également du documentaire La malédiction du gaz de schiste au Méliès le jeudi 10 octobre à 20h. Sera suivi d'un débat. Donc, ce documentaire traite de l'exploitation du gaz de schiste qui a déjà lieu en Pologne et du combat que mènent les habitants d'un petit village contre la multinationale Chevron. Et j'en profite aussi pour vous annoncer le samedi 19 octobre, qui sera la journée internationale pour stopper la fracturation hydraulique, et des événements seront prévus à Lille. Le samedi également... contre ces grosses multinationales, il y a la deuxième journée mondiale contre Monsanto le samedi 12 octobre à 14h et un rassemblement est prévu à Lille à 14h, donc place Richebay. Et cet après-midi, un autre rassemblement, donc dans un peu plus d'une heure, à 14h, donc c'est un rassemblement en hommage à Pavlos Fizas, un rappeur militant antifasciste grec assassiné à Athènes par les membres du parti de l'Aube Dorée. Donc rassemblement à République à Lille, qui est aussi important pour combattre la montée de l'extrême droite partout en Europe. Donc, pour plus de détails sur tous ces rendez-vous, consultez le site Démosphère Lille, lille.demosphère.eu, et je vous dis à dans 4 semaines. Voilà, merci, l'émission se termine, merci à notre invité. Et nous vous souhaitons donc un bon week-end et nous donnons rendez-vous effectivement dans 4 semaines sur le thème des retraites. Et on se quitte en musique. Et on finit en musique. Merci Germain. J'ai des hassenettes pour le paradis fiscal. Piscine hibiscus, excusez mon mode de vie scandale. Mon angora s'appelle Britannicus. Là-haut sur la côte, ma vue, les vagues, les aigles me draguent, les journalistes me soufflent à l'oreille de jolies phrases. Mon cuisinier, mon palefrenier ne voit décoller pour les îles Vierges aucun mandat, aucune charge. Transit par disque dur, je palpe chaque jour en taux d'intérêt. De quoi refaire la toiture du musée d'Orsay. J'ai un bateau taille réelle dans le salon de ma baraque au bord du lac Léman. Je suis le Mozart de l'usure. Ma caillasse attire la thune sûre. Contre les ponctions, j'ai X plan B. De nos jours, on aide ceux qui veulent flamber. La chute des riches laisse dans les fables. Les notaires savent qui est solvable. Je suis rentier. Mes comptables taffent, on me masse les pieds. Je suis rentier. C'est mon argent que l'on fait travailler. Je suis rentier. J'avais un poil au torse, on me l'a épilé. Je suis rentier. Notre peine des salaires de famine, mais du yo-yo.